Ce que tu veux, ce n'est pas des droits de l'homme. C'est des cow-boys. Et des marins. Et des génocides. Et des bombes à fragmentation. Et des pirates. Et des médailles militaires. Je te comprends. Ce qu'il y a de vrai, c'est le nucléaire, les OGM, les bot people qui naufragent, les teinturies industrielles. Et l'Inde, et la Chine, et travailler aussi. Un monde bien gras, double fromage et supplément bacon jusqu'à la nausée. Moi d'ailleurs, la poésie, c'est venu du fast-food. Tu connais le fast-food. C'est un monde merveilleux, tout est rationalisé, prévu, minuté, millimétré, tout. Sauf la fatigue. Tu as des corps aux pieds, pédicure, tu as mal au dos, ostéopathe, tu t'es brûlé, vaseline, pansement et tout un tas de trucs en tube et en tulle. Tout ça d'accord, oui mais... Tu es fatigué aussi. Des fois, c'est à te taper la tête contre des convoyeurs de fond. Et contre ça... Contre ça, rien. Rien sauf le matin. 20 minutes. 25 minutes au mieux. Et un stylo. Et un carnet.